LOP, Unity. Ils sont accros à tout ce qui brille, de la ramène en natural boy. Porte des Nike qui viennent de Chine, pourtant on fait bosser des mômes. Dis-moi qui fait tourner la machine, dis-moi qui fait tourner la machine. Sans la kiffer, mais qu'est-ce qui fait tourner la machine? Le peuple de Babylone, les stars dans la toile magazine. Pour un label baisser leur froc, wesh des rebelles de pacotille. Ce monde est fou putain d'époque. Elle est sans dessus dessous, sans dessus dessous. Rien à faire, il faut des sous. Sans rien faire, sans rien faire. Dis-moi man, ce monde est fou, dis-moi man, ce monde est fou. Non c'est pas pour de vrai, c'est guerre et c'est facho. J'sais pas pour toi mais ça m'effraie, ce monde est fou, le mal est fait. Bercé d'inégalité, on nous divise pour régner. On nous brime mais on nous blâme, un vulgaire peuple de bétail. Toujours les riches s'enrichissent, quand pourquoi sous les autres trimes. Lorsqu'enfin bouge les masses, c'est tout un peuple qu'on opprime. Nos libertés sont qu'un détail, à quand l'égalité des classes. Dis-moi qui fait tourner la machine, dis-moi qui fait tourner la machine. Sans la kiffer, mais qu'est-ce qui fait tourner la machine? Dis-moi qui fait le peuple de Babylone. Sans dessus dessous, sans dessus dessous, le monde est fou, le monde est fou. Sans dessus dessous, sans dessus dessous, le monde est fou, le monde est fou. À tout ce qui brille, cela ramène en natural boy. Porte des Nike qui viennent de Chine, pour s'en faire bosser des mômes.